much too complex. Too complex, much too complex. Bonjour à tous et bienvenue avec nous aujourd'hui dans cet épisode sur les composites pour le cours de mécanique des matériaux composites. Donc je suis Ilias Tabier, professeur en génie mécanique à l'école de technologie supérieure à Montréal et j'ai avec moi aujourd'hui Roland Delorme. Salut Roland. Salut. On va tout d'abord commencer par parler un petit peu de toi, qui tu es, pourquoi est-ce qu'on est en train de te parler aujourd'hui, puis ensuite on va se diriger un peu plus vers les composites. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ta carrière d'ingénieur, de comment tu as commencé, où est-ce que tu as étudié? Alors moi, en fait, j'ai commencé mes études d'ingénieur en France, donc aux arts et métiers. C'était en 2010. J'ai fait donc 2 ans d'études à Bordeaux. Après, je suis venu en double diplôme donc à Polytechnique pour faire ma maîtrise. Je fais une maîtrise sur les matériaux composites, matrice élastomère, donc c'était sous la supervision du professeur Martin Lévesque et Eduardo Ruiz. Après ça, j'ai commencé un doctorat aussi donc sur les matériaux composites, donc sous la supervision aussi de Martin Lévesque. J'ai eu des opportunités professionnelles qui sont apparues, donc j'ai arrêté mon doctorat et je suis rentré à Stelia Aerospace, donc une compagnie du groupe Airbus qui travaille dans plusieurs branches de l'aviation, donc des sièges, fuselage jusqu'aux composites. Et donc moi je suis en branche composite à Mirabel. Donc je suis rentré là-bas, j'ai fait différents postes d'ingénieur projet, donc à aujourd'hui gestionnaire des programmes et de l'assurance qualité. Donc après être arrivé au Canada, tu as commencé une maîtrise à la Polytechnique avec professeur Eduardo Ruiz et Martin Lévesque sur des composites à matrice élastomère. Ça c'est intéressant parce que nous on connaît surtout les composites à matrice thermodurcissable ou matrice thermoplastique. Et là, pourquoi est-ce qu'on ferait des composites avec des matrices élastomères? Déjà, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce projet? Donc ce projet en fait est en partenariat avec Hydro-Québec. Le but dans tout ça, c'était de faire une membrane gonflable qui s'installe donc dans les barrages hydroélectriques, donc après la partie après les turbines, donc dans ce qu'on appelle l'aspirateur. Et le but de cette membrane, qui était donc gonflable, l'idée c'était d'insérer une membrane gonflable, c'était de changer en fait le champ de pression et réduire les effets néfastes, donc il y avait de la cavitation, des trucs comme ça. Le but c'était de changer le profil de l'écoulement. Donc pour faire ça, fallait une membrane qui puisse se déformer de manière prédictible et composite. C'était au lieu d'avoir juste un élastomère, de la renforcer avec des fibres, notamment dans des conditions, dans des zones particulières où il y avait plus de charge au niveau des attaches. Donc le but, c'était d'avoir quelque chose de déformable, d'avoir possiblement des plus grandes déformations renforcer localement là où c'est nécessaire par des fibres. Donc c'est ce qui est l'intérêt du composite en fait, c'est d'avoir un matériau custom on dirait. Donc par rapport à ce projet, après les turbines, l'eau va en fait chuter si je me rappelle bien, c'est comme ça. Dans une cascade. Donc on peut imaginer c'est là ça. Une cascade, puis l'eau qui tombe et puis normalement ça tombe dans un gros bassin. Et donc toi, ce sur quoi tu as travaillé, c'est la mise en place d'une membrane qui vient changer la manière dont l'eau tombe de la cascade. En fait, c'est qu'on a la turbine, on imagine un gros conduit qui tombe après la turbine verticale, puis il y a un coude, puis ça s'élargit, puis cette zone là s'appelle l'aspirateur. Et en fait le but c'était de modifier l'écoulement, en fait la forme de l'écoulement. Donc c'est plus de la mécanique des fluides, disons, et en modifiant cette forme de l'écoulement, on change les pressions en sortie de turbine, et ce qui fait que la variation de pression entre l'entrée et la sortie de turbine peut modifier des phénomènes, on va dire, négatifs, tels que la cavitation, qui sont en fait des implosions de bulles qui viennent endommager les pales, et puis après ça, de la turbine, ça peut entraîner de la corrosion. Donc c'était une matrice élastomère, et quel genre de fibres est-ce qu'il y avait dedans? Donc ça c'était des fibres, il y avait de la fibre de verre. Et okay. Parce qu'après, en fait, le projet avant moi, il y avait une étude de différents types de fibres qui adhèrent bien dans la matrice élastomère, parce que il y avait tout un travail sur l'ensilage des fibres pour que ça, qu'elle accroche, en fait, qu'il y ait bien un transfert de charge avec la matrice. Mm-hmm. Et il y avait aussi des travaux sur du vieillissement qui avait été fait. Donc, de mémoire, on était plus sur des matrices fibres de verre avec certains types d'ensilage qui étaient un peu secrets, disons. Ok, ça c'est souvent secret. Moi, après, à partir de ces données, des propriétés mécaniques, des essais mécaniques qui avaient été faits de caractérisation, moi, c'était plus à ce moment-ci une partie modélisation avec des aimants finis, différents types d'approches, des approches membranes, enfin différents types d'hypothèses en aimants finis. pour modéliser tout ça, en fait. Et dans le cas où tu as cette information, est-ce que ça, c'était quelque chose qui était déjà fait auparavant avec un autre matériau, ou est-ce que... Non. Non, donc c'était nouveau et les composites sont apparus comme le meilleur matériau pour accomplir ces fonctions? À ce moment-ci, oui, c'était ça. C'était okay. Vraiment d'intégrer. En fait, un peu comme sur le concept des fois de boudins gonflables qu'on peut utiliser. Par exemple, quand il y a des fuites de pétrole, qu'on essaye de bloquer le pétrole dans la mer. Donc, c'était un peu utiliser ce genre de technologie comme de boudin gonflable, mais cette fois-ci, comme il y avait des charges beaucoup plus grandes et que le composite, c'est une des approches pour pouvoir améliorer les propriétés mécaniques dans un matériau, c'était l'avenue qui avait été prise, en fait. Okay. Et aussi, un aspect d'installation facile et assez rapide, parce que si on a une membrane, on peut décider d'arrêter le barrage pendant X temps, aller faire les installations dans l'aspiration et puis remettre le barrage assez rapidement aussi. C'était un des enjeux. Et après ça, qu'est-ce que tu as fait? J'étais assez intéressé par faire un doctorat et puis j'avais une très bonne relation, enfin j'ai toujours une très bonne relation avec Martin Lévesque. Donc j'ai décidé de commencer un doctorat avec lui, donc cette fois-ci aussi sur les composites, mais finalement plus composites plus conventionnels, on va dire, avec des matrices thermodurcissables, et puis j'étais assez intéressé par tout ce qui était endommagement, en fait. Après ça, plusieurs choses liées au composite ou pas forcément, mais bon, on avait démarré avec Ilias, donc on a démarré ensemble une start-up, impression 3D, qui pouvait aussi lier plus du composite d'ailleurs. On a été pris dans un programme, avec le CNRC, avec le CRSNG, le programme pour faire des stages en entreprise. Accelerate. Foncer avec l'aérospatiale. C'est ça. Et donc, en fait, dans ce programme-là, il y avait aussi donc des stages à faire en industrie. Et donc, j'ai fait mon premier stage à Stelia. Donc, j'ai fait 6-8 mois. J'ai continué donc en parallèle du doctorat. Puis après, j'ai continué un petit peu à temps partiel. Et en fait, Stelia m'a proposé un poste. Et j'ai décidé, j'ai accepté le poste. Et j'ai essayé de continuer mon doctorat en parallèle aussi. Donc ça, c'était une première étape. Bon, ça a été dur entre le travail puis le doctorat. Puis à un moment, j'ai décidé d'arrêter le doctorat. En fait, j'ai publié mon dernier article. Puis j'ai décidé d'arrêter le doctorat parce que ça devenait compliqué de pouvoir aller jusqu'au bout, publier un autre papier puis aller jusqu'au bout de la thèse. Donc, je suis resté à Stelia. C'est ça. Alors, peux-tu nous parler de Stelia maintenant? Qu'est-ce que c'est que Stelia pour les gens qui ne connaissent pas? Qu'est-ce qu'ils font? Donc Stelia, en fait, c'est une compagnie qui est filiale du groupe Airbus à 100%. Le gros de ses activités, en fait, bon, il y a différentes branches Stelia. Donc il y a une branche aussi Stelia Composite, il y a une filiale qui s'appelle Stelia Amérique du Nord, donc en fait qui est la filiale dans laquelle je travaille. Et ils font différentes choses, donc ils font notamment tout ce qui est des sièges d'avion. Il y a une partie de Stelia qui font des fuselages, par exemple pour Bombardier. Il y a une autre partie qui font vraiment plus du travail de, on va dire, développement en composite, de nouveaux procédés, qui est plus Stelia Composite. Et donc, il y a aussi une filiale Amérique du Nord, donc avec deux sites. Celui où je travaille à Mirabel, qui, nous, on fait des composites plutôt pour des pièces très petites séries, voire unitaires, parce qu'on fait du militaire sur des pièces assez complexes et du spatial, des pièces pour du spatial. Et on a notre siège de la filiale Amérique du Nord, qui est en Nouvelle-Écosse, à Lunenburg, donc c'est à 1h30 d'Halifax, et qui, eux, sont le site qui font des pièces d'avion pour différents, et du militaire, et du civil, donc des pièces pour Boeing, par exemple, Airbus, Stelia, etc. Là, toi, à Mirabel, vous faites surtout du militaire, et vous êtes combien? Est-ce qu'on parle d'une grosse structure? Donc, nous, c'est militaire et spatial, et puis, oui. Bon, disons, avant la crise de la Covid, on était à une petite trentaine. Ok. Peux-tu nous donner des exemples, si c'est possible, de pièces réelles, des applications, un projet qui t'a plu, sur lequel vous avez travaillé, par exemple? Donc, nous, moi, dans les projets que je suis, donc, il y a des pièces non structurelles, mais en composite pour des avions cargo militaires. Qu'est-ce que ça veut dire exactement non structurel? Donc en fait c'est pas des pièces type des ailes d'avion, etc. Disons que la criticalité de la pièce, si jamais il y a un problème, ça va pas faire crasher l'avion, pour faire simple. Ok, très bien. Sinon on fait des pièces pour le spatial, et donc là ça peut être des pièces, des antennes en fait, qui sont en composite, et en fait c'est la fibre, donc là c'est des pièces en fibre de carbone par exemple, c'est la fibre qui joue le rôle de réémetteur par exemple. Donc c'est des fibres de carbone noyées dans une matrice thermodure probablement? Oui, thermodure. Donc ça peut être des époxys, des cyanaesters. Peux-tu nous en parler un peu plus ? C'est une application intéressante. Donc la fibre elle-même joue le rôle d'antenne. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, la direction de la fibre joue un rôle. Donc ça, c'est plus notre client qui est vraiment, lui, expert, on va dire, en tout ce qui est émission pour les satellites. Mais donc la fibre, en gros, suivant l'orientation de la fibre, ça a un rôle dans la réémission des données ou la polarisation des données. Donc ça, nous, le client nous donne un design et on doit respecter, on a des tolérances très précises sur la manière de draper, parce qu'on utilise des pré-imprégnés souvent, donc de draper le pré-imprégné avec des orientations bien précises sur le moule sur lequel on drape en fait le client. Très intéressant, si on peut s'arrêter là-dessus un petit moment et essayer de détailler un peu plus. Donc vous avez un client qui fabrique des satellites. Est-ce que c'est un client qui fabrique des satellites dans la région de Montréal? Oui, dans la région de Montréal. Bah, il est assez connu. Oui, c'est, oui. je peux le donner, c'est MDA. Oui. Et donc c'est un client qui fait des satellites, qui a travaillé aussi sur des projets sur la Station Spatiale Internationale, etc. Nous, on est partenaire avec eux. Avec une idée ou ils viennent vous voir avec quoi exactement? Donc eux, quand nous, en fait, ce qu'on dirait, c'est les pièces qu'on fait majoritairement, c'est des build to print. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà une spec de fabrication qui est propriété d'MDA, qui explique le procès de fabrication. Donc des fois, on les a développés conjointement dans des projets de R&D auparavant. Et donc MDA est propriétaire du procédé de fabrication. Ils font le design du moule qui a besoin et de, par exemple, de l'antenne qui a besoin. Avec la partie paraboloïde en fait qui est que nous on va fabriquer en composite et en fait ils nous donnent donc en gros le dessin et nous on fabrique en suivant leur dessin et leur procédé de fabrication. Alors ça veut dire que vous avez localement les capacités de faire de l'ingénierie pour travailler avec ces dessins, peut-être même je suppose faire des petites modifications si nécessaire et la capacité technique de fabriquer chez vous là à Mirabel, c'est ça? Disons que le gros qu'on a, c'est la technique de fabrication parce que le dessin est très contrôlé au niveau ingénierie par MDA, dans le sens où ils doivent rencontrer des requis de performance, on va dire, par exemple électromagnétique, etc., pour leurs propres clients. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de latitude pour, on va dire, modifier les requis d'ingénierie. Par contre, après, nous, on fait le procédé de fabrication, on le développe en suivant leur cadre aussi quand il y a des spécifications de fabrication. Et donc nous, ce qu'on développe vraiment et notre expertise sur ce type de projet, c'est vraiment la fabrication. Et donc depuis une dizaine d'années, vous avez acquis ou vous avez continué à acquérir une expertise dans la fabrication de matériaux composites pour l'aérospatiale. Mais vraiment, on parle de la capacité à fabriquer. C'est quoi? À fabriquer, ouais. Puis on a quand même d'autres projets où on fait fait de l'ingénierie avec du développement conjoint avec nos clients. Donc dans les autres pièces qu'on fait typiquement militaires, ça peut être des pièces qui étaient avant métalliques et qui veulent passer en composite pour des enjeux de réduction de poids, etc. Donc là, on redéveloppe des pièces qui existent déjà, donc qui vont passer de pièces métalliques à des pièces composites. Tant qu'on parle du militaire, on sait aujourd'hui que dans l'aviation civile, les matériaux composites à renfort fibreux, surtout le carbone, est de plus en plus utilisé là, comme tu sais, le 787, le A350, ils ont 50% en masse quasiment de ces matériaux. Au niveau de l'aviation militaire, on approche de combien, c'est quoi le pourcentage à peu près? Je suis pas sûr d'avoir la réponse. Est-ce que ça serait plus élevé ou moins élevé que l'aviation civile en ce moment, tu penses? En fait, je dirais ça dépend. Parce qu'il y a des, par exemple, des projets sur lesquels je travaille, c'est des avions qui ont déjà peut-être 30 ans, mais qui sont robustes et qui gardent toujours dans l'armée. Donc des fois, l'armée a des grosses avancées technologiques, mais des fois aussi, ils n'ont pas les mêmes contraintes qu'on s'entend de budget ou d'avoir d'efficacité énergétique, c'est pas forcément autant leur souci principal. Donc je dirais ça dépend des technologies, si c'est des nouvelles générations ou si c'est des anciennes générations. En gros, je dirais dans le militaire, ce qui est très contrôlé, c'est toute la qualification et les specs de matériaux qui sont très très contrôlés et qui sont très conservatrices. Peux-tu détailler un petit peu plus? C'est-à-dire que dans le militaire, on a des matériaux qui ont été qualifiés il y a 30 ou 40 ans. Et puis, c'est toujours les mêmes matériaux parce que ça a prouvé que ça marchait. Qu'est-ce que tu veux dire par qualifié? Qualifié, c'est qu'en gros, avant d'utiliser un matériau, il va passer toute une série de tests, de la taille de coupon jusqu'à, on va dire, des structures plus grosses. Et une fois qu'on a ces tests et que ça a prouvé que ça a marché, si on veut changer de matière ou avoir une autre matière, il faut refaire passer toute une batterie de tests pour montrer que le nouveau matériau, il donne des propriétés au moins aussi bonnes. Donc en quelque sorte, ce que tu es en train de nous dire ici, c'est qu'il y a une sorte d'inertie dans le Une monde des très grosse matériaux, inertie. principalement dans les matériaux composites, parce que le coût pour caractériser un matériau métallique, est-ce qu'il est, il va être similaire si jamais on développe un nouveau matériau métallique? J'ai quand même l'impression que si des matériaux métalliques, que si c'est des nouveaux alliages, par exemple, à mon Oui. avis, ça doit être aussi compliqué. Aussi compliqué. Ok. Donc introduire des nouveaux matériaux dans l'industrie aérospatiale, c'est quelque chose qui est un peu complexe et coûteux. Complexe, Ça. coûteux, et dans le spatial aussi. Dans le spatial, c'est très conservateur parce que quand on envoie un satellite, il est là pour plusieurs décennies dans le ciel. Donc s'il y a un pépin, on ne peut pas aller le réparer. Oui, c'est sûr. Autant te dire que quand il y a quelque chose qui a prouvé qu'il marche depuis 20 ans, il y a très peu de clients qui veulent être les premiers à essayer une À nouvelle essayer, ok. technologie. Est-ce que vous, auprès de Stelia, tu pourrais nous dire, c'est quoi la différence lorsque vous travaillez sur un projet dans l'aéronautique et un projet dans l'aérospatial? Est-ce qu'il y a des différences au niveau des types de matrices, au niveau des types de fibres, au niveau du type de matériaux que vous choisissez? Donc, comme souvent en aéronautique ou je dirais spatial, les matériaux, donc il y a des spécifications matériaux qui sont très contrôlées. Mais en gros, en aéro, en spatial ou des éléments qui vont en très haute altitude, il y a souvent des requis sur des requis de dégazage, par Ouais. exemple. Donc, on choisit des matériaux qui vont avoir ces propriétés de dégazage sont très faibles. En gros, avec le vide, on va pas avoir des bulles qui pètent dans le matériau. Au niveau des, quand on fait des sandwichs, une grosse différence pour le spatial, c'est que nos cellules de nid d'abeilles sont toutes percées pour Pour qu'il n'y ait être pas sûr qu'il y a un d'air. équilibre des pressions. Parce que sinon, on pourrait avoir des cellules qui implosent, arriver dans l'espace sous vide. Donc, c'est des trucs comme ça. Sinon, on a des propriétés. Qu'est-ce qu'on a? Juste avant que tu continues là-dessus, Ouais. pour clarifier, la problématique dont on parle, c'est que quand on fabrique des thermodures ou même des thermoplastiques, il se peut qu'il y ait un pourcentage de gaz qui reste enfermé à l'intérieur de la matière. Exactement. Puis quand on va dans l'espace, bah à l'intérieur de la matière, on a une petite bulle qui a une certaine pression à l'intérieur. Et puis à l'extérieur, on a le vide absolu. Donc ce que ça fait, enfin j'exagère avec le vide absolu, mais ce que ça fait, c'est que ça tire ce gaz et il va sortir du matériau Ouais. et il va endommager le matériau en sortant la bulle Exactement. d'échec. Exactement. Donc c'est ça qu'on parle. Donc quand vous travaillez sur des matériaux qui vont dans l'espace ou à très hautes altitudes, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de gaz. Est-ce que avant que tu nous parles un peu de ce que Non, vous en avez fait, c'est des matériaux qui ont été donc testés avec des résines précises pour avoir des taux de vide ou des taux de gaz ou de dégazage, parce qu'en fait, dans la cuisson, t'as aussi du gaz qui peut partir, et donc qui ont des taux très très faibles, qui fait Ok. qui vont pas endommager la pièce. Et bon, effectivement, ces matériaux, évidemment, coûtent beaucoup beaucoup plus cher. Donc, si on Et veut des matériaux qui vont rester au niveau du sol, pas aller chercher les mêmes propriétés. puis, est-ce qu'il y a un type de matrice particulière, une résine particulière qui est préférée pour aller dans l'espace? Là, ça dépend en plus des propriétés. Si on a des propriétés électriques en jeu, parce que il y a différents types de résines. Il y a des époxys, il y a des cyanaesters. Donc, ça va plus vraiment dépendre s'il y a des propriétés, si on veut des propriétés thermiques, parce qu'il y a des résines qui ont aussi pas les mêmes TG. Donc, Ouais. il y en a qui vont être plus pour de la haute température. Il y a des résines qui vont Mais ce que tu nous dis, c'est que c'est possible d'avoir des résines qui peuvent aller dans l'espace, que ce soit un polyester ou une époxy. Ça serait possible d'avoir une Oui, il y a version. différentes Ok. résines qui peuvent aller dans l'espace. Mais ça va être après, suivant l'utilisation finale et le requis qu'on va utiliser telle ou telle résine. Ok. Et toi, ton travail, concrètement, tous les jours, ça se passe comment? Ça consiste en quoi? Est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type? Bah, en fait, j'ai commencé au tout début quand je suis rentré à Stelia. Donc, Rappelle-nous j'étais ton plus un titre. ingénieur de projet. C'est ça. Vas-y. En ingénierie de projet, pour être exact, parce que j'étais pas encore ingénieur plein titre. Donc, disons en ingénierie de projet. En gros, j'étais plus sur des projets, en fait, supporter la fab je pouvais avoir une partie support fabrication, le lien avec le client, par exemple. Et je démarrais aussi des petits projets R&D qu'on a eu avec d'autres entités. On a eu des petits projets R&D que l'Agence spatiale canadienne, puis d'autres clients. Et depuis, en fait, bon, j'ai changé de poche, devenu gestionnaire des programmes et de l'assurance qualité. Donc, en gros, là, moi, je suis plus en travail, bon, vraiment en lien avec les clients et supervision des différents programmes qu'on a. Donc, que ce soit un point de vue budget, échéancier, répondre aux demandes de soumission de clients pour de nouveaux projets, peut-être monter des nouveaux projets de R&D un peu plus gros. Donc, et sur la partie assurance qualité, donc en aéronautique, toutes les compagnies aéronautiques doivent être certifiées en fait sous une norme donc qui est la norme 9100. Je vais dire AS 9100 en Amérique du Nord, mais elle se décline, elle doit s'appeler EN 9100 en Europe et puis JSP 9100, un truc comme ça au Japon. Mais grosso modo, c'est la même norme qui régit tout le système qualité qui est nécessaire en aéronautique. Donc moi, après, mon rôle, c'est de m'assurer que tout ce qu'on produit, tout ce qu'on fait à Stelia est conforme à ces requis de qualité. Alors, tant qu'on parle qualité avec les composites, on sait que c'est des matériaux qui contiennent beaucoup d'interfaces, qui contiennent plusieurs constituants. Donc, il y a des chances d'avoir des fissures, des micro-fissures, des micro-vides qui existent à la fin du procédé de fabrication. Vous, c'est votre expertise. Comment est-ce que vous garantissez que ce problème n'arrive pas? Est-ce que vous avez juste des méthodes qui font que c'est garanti que ça n'arrive pas? Ou est-ce que vous avez aussi des méthodes pour vérifier que c'est pas arrivé une fois que vous avez fabriqué des composants pour un client? Si je prends d'un point de vue juste qualité, conformité, nous, ça va être, il y a un procédé qui a été développé, approuvé, et on doit s'assurer de le respecter. Et d'ailleurs, en fait, le laminage de composite est considéré comme un procédé spécial, enfin, qu'on dirait un special process. Donc, d'un point de vue de la norme, ça veut dire que c'est un procédé. Une fois qu'on l'a fait, on peut pas vérifier. En fait, il y a aucune manière vraiment de vérifier si c'est bon ou pas. Donc, au même titre que dans, je vais donner d'autres exemples de procédés spéciaux, ça pourrait être la soudure. Mmh. Une soudure, quand on fait la soudure, il y a l'opérateur qui est bon, mais une fois qu'elle est faite, il y a pas vraiment de moyen de savoir si elle est bonne, à moins de faire un test destructif, par exemple. Mais bon, si on détruit la pièce, on n'a plus de pièce. Mmh. Donc, en fait, pour contrôler, en fait, la norme, ce qu'elle demande, S9100, c'est de mettre en place des procédés de contrôle pour s'assurer qu'on est, on va dire, constant dans nos productions. Donc, ça peut être un suivi très précis quand on pose les plis. À chaque pli, on fait une inspection. Est-ce qu'il y a aucun FOD, donc c'est Foreign Object Debris, dans ce qu'on a posé, est-ce que les orientations sont bonnes? Donc, il y a différentes personnes qui viennent inspecter à chaque pli. On remet un autre pli et ainsi de suite. Il y a la cuisson de la matière qui est très contrôlée avec les montées de chaleur, les refroidissements, les durées de plateau, les écarts entre de température entre les différentes sections de la pièce. Surtout, c'est une très grande pièce. Faut pas qu'il y ait une partie qui chauffe beaucoup plus vite qu'une autre pour être uniforme. Donc en fait toutes ces choses-là sont très encadrées pour en fait livrer une pièce, on va dire, la plus répétable et la plus conforme. Donc ça, c'est les manières qui sont mises en place après en fait avoir développé, on va dire, une pièce, un procédé de fabrication. Donc on met des critères très précis pour s'assurer est-ce qu'une pièce est conforme ou pas. Puis après, quand il y a des pièces très critiques ou suivant les requis du client, on peut demander à rajouter, à faire des inspections type NDT, donc non-destructive testing ou NDI, donc inspection, et pour aller mesurer, ça peut être des taux de porosité, ça peut être... Peux-tu préciser quelle méthode de test non-destructif vous utilisez pour les composites? Alors ça dépend, ça peut être des ultrasons, ça peut être un test très très très classique, basique, c'est le tap testing. Donc un tout petit marteau qu'on vient taper, puis en fait là c'est l'opérateur qui va essayer d'entendre les variations de son dans une zone uniforme, et donc s'il y a quelque chose, une variation de son, ça peut être une délamination qu'il y a, ça peut être quelque chose qui va pas, et donc après faut aller plus loin, donc on peut aller utiliser un ultrason pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il y a, s'il y a vraiment quelque chose ou pas. Dans les autres possibilités, ça peut être de la thermographie. Ah, intéressant. Peux-tu reparler un peu de la thermographie? Comment vous l'utilisez? Donc la thermographie, ça peut être pour des... En gros, on va utiliser pour schématiser une lampe qui envoie une lampe chauffante. Et en fait, on va essayer de voir est-ce que derrière la pièce, on a un récepteur, et voir est-ce que, on va dire, le transfert thermique se fait de manière uniforme dans une pièce uniforme. S'il se fait pas de manière uniforme, c'est qu'il y a a priori quelque chose dans la pièce. Qui est pas uniforme. Qui est pas uniforme. Ça peut être un trou, ça peut être un morceau de plastique qui a été oublié pendant le laminage, etc. Mais à chaque fois, pour pouvoir analyser ces résultats, ces mesures, il faut avoir fait une qualification avec plein de défauts types sur des pièces types pour pouvoir interpréter les mesures. Et donc, c'est un peu à chaque fois pour différentes techniques de NDT, c'est que on est obligé de faire une campagne de test, de caractérisation avec plein de défaut types pour pouvoir après interpréter quand on va mesurer une pièce réelle, en fait. Ça semble, c'est des techniques très intéressantes, mais ça semble quand même un peu artisanal pour quelque chose qui va dans l'espace. Oui, et je dirais oui et non, parce que dans les phases de design, on peut aussi, de conception, intégrer, bon, il y a des facteurs de sécurité, etc., et on peut très bien intégrer des défauts, par exemple dans les modèles éléments finis, mettre des zones d'absence de transfert de charge qui représentent une certaine taille de défaut, par exemple. Et donc, on sait que si on a une taille de défaut inférieure, il n'y a pas de problème en tant que tel sur la pièce avec nos facteurs de sécurité. Du coup, on va choisir une technique de NDT Qui peut qui va pouvoir capturer. mesurer une certaine taille de défaut. Et en gros, si on les voit pas en dessous, c'est pas grave, c'est Ils qu'ils vont sont pas pas avoir un critiques. impact significatif. Ah, ça intéresse. Exactement. Ça, c'est Ça peut très être ça. intéressant. Parce que c'était une de mes questions. Toutes les méthodes dont tu parles, elles peuvent pas détecter des vides ou des défauts inférieurs à une certaine taille. Mais là, la manière dont vous vérifiez que c'est pas un problème, c'est que vous les incluez dans vos simulations et dans vos facteurs de sécurité pour que s'il y a un défaut qu'on peut pas détecter, bah, son impact va pas être critique. Donc, ça vient Ouais. affecter, par exemple, l'épaisseur de la pièce, en fait, cette Ça capacité peut être ça, ou ça peut être des fois dans les modélisations, parce que souvent c'est donc le département de design qui va définir aussi les tailles de défauts critiques. Et puis supposons qu'on a deux vides, il y a aussi l'interaction entre les vides. Fait que si on a deux vides côte à côte à genre un demi-pouce d'écart versus un pied, c'est pas la même chose. Donc aussi dans les modèles, il peut avoir mettre plusieurs défauts côte à côte pour voir les impacts au niveau des concentrations de contraintes, etc. C'est vraiment intéressant. Écoute, je vois. Donc ça, c'est ton travail à toi. C'est ce que tu vérifies. C'est ça que tu t'assures tout Bah le temps. moi je m'assure qu'on dans mon travail d'assurance qualité, je m'assure qu'on mette les que les procédures de contrôle, notamment sur les procédés spéciaux, sont bien mis en place. Et donc je m'assure que tout soit bien fait. Après, il y a des spécialistes, genre pour faire du NDT, il y a des gens qui sont qualifiés, qui ont des licences. Souvent, ça va de 1, 2, 3. Donc 1 étant le plus, on va dire le moins expérimenté, 3 étant l'expert qui va pouvoir prendre une décision sur le défaut en tant que tel. Donc c'est ces experts-là qui, eux, vont faire après les mesures, qui vont faire des rapports, etc. Écoute, c'est très intéressant. Là, je voudrais bien qu'on parle un peu plus de ta perspective à toi depuis que tu as commencé dans les composites. Enfin, plutôt même chez Stelia ou même dans les composites en général. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu as perçu comme changement sur ce marché? Et là, on parle du passé. On va se garder l'avenir pour la prochaine question. Mais sur les dernières années, qu'est-ce que tu as vu comme tendance ou comme changement au niveau des composites dans l'aérospatial? Alors, dans ce qui arrive, moi, nous, on est très sur le pré-imprégné. Donc, en fait, c'est bon. Il y a une, je dirais que c'est un travail de quasiment d'artisan expert, on va dire, pour aller draper des matériaux dans des formes très complexes. Ça prend des opérateurs avec une excellente dextérité. D'ailleurs, j'en profite pour les pré-imprégnés. C'est très utilisé dans l'aérospatial. Puis là, tu nous parles de draper. Donc, ce dont on parle, c'est l'opération de disposer ces pré-imprégnés sur un moule qui peut avoir des formes Exactement. complexes. Peut avoir des formes complexes. Est-ce que c'est la raison principale pour laquelle l'industrie aérospatiale préfère les pré-imprégnés? C'est que c'est plus facile de draper? Puis souvent les taux de fibres sont plus élevés, Beaucoup les plus taux élevé, ouais. de résine sont plus contrôlés, etc. Sinon, quand on veut aussi contrôler, après ça peut être utiliser du compression molding ou des trucs comme ça où on a des espaces très contrôlés. Quand on met la résine, on sait que la quantité exacte de résine et de fibres qu'on a dans la zone. Mais est-ce que ce sont des montages plus coûteux, le pré-imprégné, une alternative? Je dirais que quand tu dois avoir des outillages genre compression molding, faut avoir des pièces répétables vraiment tout le temps. Parce qu'on fait un outillage et puis on utilise tout le temps la même. Quand on a des pièces unitaires, Ouais, il faut des plus grosses séries. ouais. Ok. C'est qu'après, il y a une histoire de la série qui va Ouais. venir, le volume. Parfait. Et nous, dans Donc. notre cas, c'est le pré-imprégné. Mais l'expertise, on s'entend, elle peut se développer dans différents pays, donc dans des pays qui l'en faisaient pas avant. Par exemple, il y en a de plus en plus au Mexique, en Chine, etc. Donc il y a une nouvelle concurrence qui arrive. L'avantage compétitif qu'on avait aussi, c'était que on était les compagnies aéros sont certifiées donc AS9100, entre guillemets un gage de qualité. Tous les pays mettent maintenant en place, pays je dirais qui étaient en développement, peuvent mettre en place les mêmes systèmes qualité et deviennent des concurrents. Donc après, il y a une histoire de main-d'œuvre aussi. Donc ce procédé de drapage à la main, il faut qu'il arrive avec d'autres choses. Fait que nous, typiquement, on développe, comment ça s'appelle, de nouveaux procédés de fabrication pour des applications spécifiques que les autres ne font pas pour pouvoir se démarquer. Ou une autre approche, c'est aussi d'utiliser de plus en plus l'automatisation. qui est quelque chose qui arrive. On veut bien parler, moi je veux bien que tu nous parles un peu plus de ces deux approches. Donc la première, c'est développer des nouveaux procédés. Pas, c'est pas petit ça, c'est gros. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah typiquement, ça peut être travailler avec les fabricants de matières pour avoir des nouveaux types de tissés de parce qu'on a un pré-imprégné, parce qu'on a un tissu qui est imprégné de résine, donc on peut travailler sur les types de tissés. Il y avait des matériaux qui avant ne devaient se cuire qu'en autoclave. Donc l'autoclave, c'est un four étuve. Donc on a la chaleur plus une pression. Mais ça, c'est pas tout le monde qui a des autoclaves. Ça coûte extrêmement cher d'en acheter un par rapport à acheter un four. Donc, il y a aussi développé des procédés qu'on appelle hors autoclave. Donc, ça, c'est des trucs des procédés qu'on développe avec des partenaires. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? D'autres procédés, typiquement, on fait des sandwichs, par exemple. Donc, des sandwichs, le plus basique, c'est qu'on cuit une peau. Donc, avec le pré-imprégné, on cuit une deuxième peau où les deux sont cuits ensemble. Puis après, on vient rajouter de l'adhésif, puis on colle ça autour d'un nid d'abeille, par exemple. Ça fait un sandwich. Mm-hmm. Mais dans les procédés qu'on développe, ça peut être ce qu'on appelle de la co-cuisson. Donc, c'est d'admettre, par exemple, le pré-imprégné, un nid d'abeille avec, ça peut être des nids d'abeille d'ailleurs qui sont flexibles ou pas, plus une autre peau. Et le défi dans tout ça, c'est de le faire, par exemple, hors autoclave. Et il faut que tous les cycles de cuisson, des résines, des adhésifs, soient à peu près les mêmes. Donc, il y a un travail de caractérisation aussi, pour devenir plus efficace, coûter moins cher. Et juste pour se faire une image, un exemple de procédé hors autoclave. Est-ce que quand, par exemple, un bag, un procédé que tu disais un sac, ça serait considéré comme un procédé hors autoclave? Ben, en fait, les sacs, on en a dans les deux cas, parce que son autoclave ou hors autoclave tire le vide. Mmh. Pour la cuisson, puis dans un cas, on ajoute une pression extérieure au sac pour bien écraser, grosso modo. Ouais. Et donc, pour les hors autoclave, c'est surtout avec les fabricants de matière qu'il faut qu'ils développent des résines, surtout les résines, puisque la fibre, c'est la même, mm-hmm. qui peuvent cuire et permettre d'avoir les bonnes propriétés mécaniques sans avoir à appliquer de la pression, par exemple, avec juste un sac à vide. Ok. Ça, c'est du travail, ok. Donc, vous développez ce genre de nouveaux produits. Et là, je vais en profiter pour poser une petite question, parce que c'est quelque chose dont on parle. Là, tu parles d'être plus efficace, d'être plus rapide. Une solution à ça qui est mise en avant, en tout cas dans la recherche, c'est d'utiliser des matrices thermoplastiques au lieu de matrices thermodures, parce que les matrices thermoplastiques peuvent être consolidées beaucoup plus rapidement que des matrices thermodures. Donc oui, ça, c'est une avenue. Il y a de plus en plus de projets sur ça. On en a, mais... Je pourrais pas rentrer trop dans les détails comme ceux-là, ils sont plutôt confidentiels. Mais oui, c'est une des avenues pour le futur, mais il reste des défis de formage aussi. Dans des pièces complexes, où ça doit aller en autoclave, mais plus pour la pression, écraser le thermoplastique dans la consolidation, où c'est utiliser des presses. Donc à chaque fois, ça va être dépendamment de la forme, tel ou tel après procédé de fabrication qui est pris. Donc ce que tu veux dire, c'est les thermoplastiques, ok, ils sont peut-être plus rapides à consolider, mais ça demande d'augmenter la pression. Ça peut prendre des grandes pressions pour aller... Il reste visqueux à haute température, c'est ouais, plastique. C'est ça. Parfait, alors que la résine, elle est liquide avant son gel, quasiment. Là, c'est ça. Donc c'est beaucoup plus facile de l'infuser, tout ça. Très bien. Donc pour l'avenir, sinon, quoi d'autre? Là, on est dans une situation un peu particulière, avec la pandémie du Covid en cours, la majorité des avions sont cloués au sol. Est-ce que tu peux nous dire comment ça a affecté le secteur de l'aérospatial de ton point de vue, et plus particulièrement les composites et puis les développements futurs des composites? Donc pour nous, c'est une baisse de marché assez énorme. Je dirais, quand on regarde le 11 septembre 2001, c'était en fait pas grand-chose au niveau du marché. Alors la plupart des contrats sont décalés. Ce qui va être dur, à mon avis, c'est plus d'y continuer de faire l'innovation, de la R&D, même si y a moins de budget pour pouvoir continuer à l'avenir, se démarquer. Donc c'est un enjeu. Puis comme tu disais, le thermoplastique, c'est une des avenues. Il y a aussi l'automatisation, en gros. Parle-nous un peu de l'automatisation. Alors qu'est-ce que tu veux dire exactement? Qu'est-ce qu'on automatise en fait dans un... Donc ça peut être, le placement, au lieu que ce soit un opérateur à la main qui vient de placer, est-ce que ça peut être une machine qui vient placer dans ce qui est plus répétable qu'une machine? C'est une machine, c'est comme toute automatisation, elle peut travailler plus longtemps. Tu parles d'un robot 6 axes comme qui viendrait... Ça pourrait être un robot, ça peut être un robot effectivement. Et qui viendrait poser les plis ou les fibres ou des fibres pré-imprégnées. Donc le robot, il manipulerait des feuilles de pré-imprégnées, puis il vient les poser sur est-ce que tu pourrais nous décrire un peu? Il y a des avenues comme ça en développement. Il y a des avenues, c'est vraiment aller poser brin par brin des fibres pré-imprégnées. Et puis en gros, il va gros, c'est comme si on met des fibres unidirectionnelles et puis après, lui, il va les mettre dans les bonnes orientations à chaque pli, par exemple. Intéressant. C'est une des avenues. Est-ce qu'il y a d'autres automatisations possibles au niveau des procédés de fabrication des composites, à part peut-être la disposition des fibres? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être... Bah après, faudrait, je suis moins expert, mais il y a d'autres procédés possibles d'automatisation avec peut-être dans d'autres approches autres que le thermo, que le pré-imprégné, donc avec par exemple des le RTM, etc. Il y a sûrement d'autres avenues. Ma question pour toi, ça serait qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui est intéressé par accéder au milieu des composites aujourd'hui, travailler dedans? Est-ce que tu aurais une recommandation particulière à faire pour eux pour les années qui viennent, étant donné que ça risque d'être un peu difficile pour les composites? Je dirais pour les composites, de manière générale, on parle de l'aéro, mais il n'y a pas que l'aéro. Oui. Donc, quelqu'un, si on peut faire du composite, il y en a dans, par exemple, les pales d'éoliennes, les bateaux, les trains, il y en a dans les voitures, il y en a dans plein de secteurs. Il y a des travaux aussi, par exemple, des projets qui démarrent, par exemple, sur le recyclage des composites. Donc, moi, je suis pas moins impliqué dans ce genre de projet, mais tout ce qui est le recyclage, comment réutiliser des fibres pour refaire d'autres composites, traiter les résines, etc. Donc, il y a quand même plein d'avenues dans le composite. Si ce n'est pas dans l'aéro ou le spatial, il y a aussi un avantage que c'est moins réglementé, moins conservateur, donc ça peut permettre de faire des choses plus innovantes et les intégrer plus rapidement sur leur marché qu'en aéro. Donc ton conseil, ça serait pour quelqu'un qui veut faire des composites pour les années qui viennent, peut-être de se diriger vers un secteur autre que l'aéro. Ça peut être l'aéro, mais il faut pas rester focalisé sur l'aéro, il y a des composites, il y en a partout. Donc si on aime le composite, l'aéro c'est une des avenues, et souvent c'est parce qu'on aime les avions, on aime les satellites, il y a cet aspect-là du produit qui est intéressant, mais du composite, il y en a partout. Il y en a même, il y a du composite dans les bétons, par exemple. Donc c'est un truc qu'on parle moins, mais des bétons... En fait, le béton, c'est un composite. Donc... Il y en a aussi dans vraiment plein de domaines. Parfait, je pense qu'on va... On a fait le tour, on a pas mal parlé donc de Stelia, les composites, l'aérospatial, le militaire, tout ça. Dernière petite question, au cas où tu aurais quelque chose d'intéressant à partager avec nous, c'est... est-ce qu'il y a un projet... Donc là, tu nous as parlé des antennes, c'était vraiment intéressant. Par exemple, c'est pas une application qu'on a en tête lorsqu'on pense aux composites en aérospatial. Est-ce qu'il y aurait un projet qui, toi, t'as vraiment plu, vraiment marqué, que t'as trouvé intéressant, sur lequel vous avez travaillé, de ce genre, que tu aurais à partager avec nous? C'était un projet quand je suis arrivé à Stelia avec l'Agence spatiale canadienne. Donc c'était des projets de joints collés avec des pièces métalliques, par exemple titane et autres, et du composite des carbones parce qu'il y a des enjeux de coefficients de dilatation thermique qui sont pas les mêmes entre le composite et la pièce métallique, surtout quand ça va dans l'espace, qu'on passe des zones à l'ombre et des zones au soleil. Et donc c'était vraiment juste un projet de développement qu'on livrait à l'agence spatiale, puis après ils évaluent s'ils veulent pousser la technologie ou pas. Mais donc c'était développer des joints collés. J'ai trouvé ça assez drôle. Donc, des joints collés qui peuvent résister à des variations de plusieurs centaines de degrés de température. Des joints collés, c'est ça, pour des projets d'application lunaire ou sur Mars. Et donc des joints collés entre des composites et des pièces métalliques et pour pas que ça casse. Donc il y avait des enjeux de cyclage thermique, etc. Donc, c'était le premier projet que j'ai eu quand je suis arrivé en stage et j'ai trouvé ça très drôle. On n'y pense pas forcément, mais l'espace, c'est le froid absolu suivi du chaud absolu, suivi du froid absolu. Exactement, c'est des donc, enjeux et puis de compatibilité de matériaux en fait qui n'ont pas du tout les mêmes propriétés. En fait. Parfait, ça aussi c'est très intéressant. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a appris beaucoup de choses. Roland, est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur peut-être le site web de Stelia et si quelqu'un est intéressé par ce que tu fais, est-ce que par exemple LinkedIn ce serait le meilleur endroit pour t'envoyer un petit message et poser des questions? Oh, LinkedIn, il n'y a pas de problème. Sinon, mon courriel c'est roland.delorme. à commercial stelia-aerospace.com. Et puis donc le site de Stelia, ça serait stelia-aerospace, non? Ça c'est le site général, et si on veut le site de la filiale Amérique du Nord, c'est stelia-northamerica.com. Mais si vous tapez Stelia North America, vous trouverez sur Google. Parfait. C'est bon. Bah, écoute, c'est super. Merci beaucoup pour ton temps. Je pense que ça va être très intéressant pour les étudiants d'écouter cet épisode. On se revoit très bientôt pour rediscuter composite. Merci. C'est bon. Et puis bonne journée à tous.